Les Sud-Coréens de divers paliers réclament la dissolution du Parti de la Corée libre, organisation conservatrice pro-américaine. Les membres des formations civiques et ouvrières ont constitué l'organisation dite « Citadins attachés à la dissolution du Parti de la Corée libre » et livrent tous les jours des meetings et conférences de presse devant le siège de ce parti. Lors de la conférence de presse tenue le 3 devant le siège du dit parti à Séoul, les orateurs ont accusé le Parti de la Corée libre de cynisme sans aucune introspection, bien que 17 millions de citoyens descendus dans la rue, les bougies dans les mains, ont jugé le régime Pakunet et le Parti de la Corée libre. La lutte se déroule sous différentes formes et moyens, comme la composition des vers à 5 strophes, le jeu d'abattage des parlementaires issus du Parti de la Corée libre, etc. Sur les sites internet consacrés aux nouvelles de la condamnation du Parti de la Corée libre, on lit des écrits accompagnés de photos encourageant les manifestants. Daegu et la région provinciale du Gyeongsang, bastion des conservateurs, sont aussi le théâtre important de la lutte.